بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On est arrivé à la parole de l'auteur, le cinquième chapitre. Concernant la parole d'Allah le Très-Haut, il y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent du livre que des prétentions. Il y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent du livre que des prétentions. Et ensuite, Allah Azzawajal qui dit dans ce même verset, « Wa inhum illa yabunnun » Et ils ne font que donc se baser sur des conjectures, ils ne font que penser, se baser sur des opinions. Des opinions, ce n'est pas des preuves concrètes. Et donc ici, barakallahu fikoum, ce qui est voulu par les illettrés dans ce verset, ce sont des gens de la masse qui ne font pas partie des gens de science. Ils n'ont pas de science. La seule chose qu'ils ont du livre, c'est le fait de le réciter et de se baser sur des opinions. Et donc ça, c'est grave, barakallahu fikoum. Le fait qu'on soit dans cette situation, c'est pas grave. Ce que je veux dire, le fait que tu sois dans cette situation, que tu n'aies pas beaucoup de bagages, que tu ne connaisses pas, l'être humain est né, a été créé, il est ignorant et il apprend petit à petit. Mais ce qui est vraiment grave, barakallahu fikoum, c'est de ne pas faire d'efforts et de se suffire de cette situation dans laquelle on est. Elle est là la gravité. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on ne fasse pas partie de ces illettrés, de ces gens qui ne connaissent pas. La seule chose qu'ils connaissent du livre, c'est le fait de réciter. Ah, peut-être que ça, peut-être. Ils ne connaissent pas. Et donc, l'importance, la chose la plus importante concernant le Coran, barakallahu fikoum, ce n'est pas juste le fait de réciter ce livre. Mais le plus important concernant le Coran, c'est le fait de le comprendre. Et ça, on le voit clairement dans ce verset. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Il y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent du livre que des prétentions. Que des prétentions. C'est possible que ça, c'est possible. On n'apprend pas, on ne cherche pas à comprendre. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, de ne pas rester dans ce degré. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, et sa parole, l'exemple de ceux à qui la Torah a été confiée et qui ne l'ont pas assumée, est comparable à l'âne qui porte des livres. L'exemple de ceux à qui la Torah a été confiée. Et donc les juifs, la Torah leur a été confiée. Mais ils ne l'ont pas assumée, c'est-à-dire ils n'ont pas œuvré avec la Torah. Leur exemple est comparable à l'exemple de l'âne qui porte des livres. L'âne qui porte des livres, est-ce qu'il profite des livres? Il ne va pas les lire. Eh bien, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé un livre et que tu n'œuvres pas avec, tu es dans cette même situation. Et donc, il est important que tu cherches à comprendre ce livre pour œuvrer avec. Et ici, barakallahu fikoum, on voit comment beaucoup de personnes vont rabaisser le Coran, le prendre comme sujet de décoration. On ne cherche pas à comprendre, c'est un sujet de décoration, mais décoration, le Coran dans le salon, dans la chambre, dans la mosquée. Hein? Les versets du Coran, ce n'est pas un sujet de décoration. Le verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait descendre chaque verset pour que tu y médites, que tu comprennes. Chaque verset, c'est pas pour décorer. Ne méprise pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-Darimi, il rapporte dans son recueil de hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous montre dans ce hadith que au jour de la résurrection, le serviteur sera forcément interrogé concernant quatre choses. An umrihi fima athna. Son temps, qu'est-ce qu'il en a fait? Wa an jasadihi fima abla. Son corps, comment l'a-t-il utilisé? Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima wada'ahu. Et son argent, comment il l'a gagné et où il l'a utilisé? Et sa science, sa connaissance, ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il en a fait? Et donc, tu seras interrogé concernant ce que tu sais. Est-ce que tu as œuvré avec ou pas? Donc, il est important, barakallahu fikoum, que chacun œuvre avec le Coran. Et il y a parmi les leçons de ce hadith aussi le fait, barakallahu fikoum, que les œuvres font partie des fruits de la science. Si tu as la science mais que tu n'œuvres pas avec, elle est où l'utilité? Elle est où l'utilité? Et donc c'est important, barakallahu fikoum, encore, qu'on œuvre avec la science. Tayyib, il y a un point important. Surat al-Fatiha. Tous les jours, on invoque Surat al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie de rectitude. C'est quoi la voie de rectitude? On l'a déjà vu plusieurs fois. Hein? C'est quoi la voie de rectitude, les frères? Donc, notez, les frères et les sœurs. La voie de rectitude. C'est la voie de la science et des œuvres qui vont avec. La voie de rectitude, c'est la voie de la science et des œuvres qui vont avec. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Maintenant que vous avez écrit cette petite définition, écoutez pour comprendre la définition. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il cite cette invocation dans Surat al-Fatiha, il nous dit « Ihdina sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur la voie de rectitude »« Sirat al-ladhina an'amta alayhim » »« La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits » Et ce n'est pas la voie de qui ?« Ghayril maghdoubi alayhim » Ceux qui ont couru la colère. Qui sont ceux qui ont couru la colère? Pourquoi? Pourquoi ils ont couru la colère, les Juifs? Ils se sont détournés du message. Hein? Ils n'ont pas couru la parole d'Allah. Ils se sont détournés du message. Parce qu'ils n'ont pas œuvré. Ils avaient la science. Les Juifs, ils savaient qu'ils avaient les signes de la prophétie. Ils avaient la science, le livre qui leur avait été accordé. Mais ils n'ont pas œuvré avec cette science. Ils n'ont pas œuvré avec. Et donc, ils ont encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ils ont eu la science et n'ont pas œuvré avec. Et donc, Allah, il nous dit, ce n'est pas la voie de ceux qui ont encouru sa colère. Wala dallin. Et ce n'est pas non plus la voie des égarés. C'est qui les égarés? C'est qui les égarés? Les égarés ici dans ce verset, les savants nous disent, ce sont les chrétiens et tous ceux qui vont dans leur sens. C'est-à-dire ceux qui agissent sans science. Ils agissent sans science. Tu vas demander à un chrétien, pourquoi tu as mis une croix sur toi? Il veut te dire, parce que c'est par rapport à Jésus. Tu vas dire, Jésus, t'es sûr que Jésus il est mort sur une croix? C'est sûr, il est mort sur une croix. Il a été crucifié, c'était sur une croix ou bien sur un bâton, c'était quoi? Ils ont mis une croix. Ah oui, donc tu as appelé. Tu suis en fait. Jésus, il a appelé à l'adorer, Jésus? Est-ce que Jésus, à un moment dans la Bible, cherche-moi un seul passage de la Bible où Jésus dit « Adorez-moi, je suis votre Seigneur. » Tu ne trouves pas? Pourquoi tu fais? Ah, œuvrer sans science, d'accord. Et donc, d'un côté, tu vas avoir une communauté qui a la science, mais qui ne vaut pas avec sa science. Et de l'autre côté, tu vas avoir une communauté qui n'a pas de science et qui cherche à œuvrer. Et tu as la voie du juste milieu, as-sirat al-mustaqim, la voie de la science et des œuvres qui vont avec. Et donc, à chaque fois, on invoque Allah Azza wa Jal de nous guider sur la voie de rectitude, c'est la voie de la science et des œuvres. Et donc, tu dois apprendre ta religion, et une fois que tu as appris, tu dois œuvrer avec ce que tu as appris. Ça, c'est très important de le comprendre, les frères, parce qu'on vit avec tous les jours. Tous les jours. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Abu Darda, radiallahu anhu, a dit, nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tourné son regard vers le ciel, puis a dit, le moment est venu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le moment est venu. La science va être ôtée des gens jusqu'à ce qu'ils ne puissent rien en faire. Ziyad ibn Labid a alors dit, comment celle-ci nous sera-t-elle retirée alors que nous avons le Coran? Comment est-ce que la science sera retirée alors que nous lisons le Coran? Car par Allah, nous le lisons et nous faisons nos femmes et nos enfants le lire. Comment est-ce que la science pourra partir alors que le Coran, on le lit, nos femmes, elles le lisent, nos enfants? Comment la science, elle va partir au messager d'Allah? Il dira alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondra à son compagnon, que ta mère te perde au ziyad. C'est une expression que les Arabes utilisaient pour montrer que tu as vraiment dit quelque chose de grave. Ce n'est pas ici une invocation où le prophète il a voulu que cela arrive. Non, c'est une expression que les Arabes utilisaient pour montrer qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de ce qu'ils venaient de voir ou d'entendre. Je te comptais certes parmi les savants de Médine. Et tu dis ça? Voici la Torah et l'Évangile qui sont auprès des Juifs et des chrétiens. En quoi leur ont-ils été utiles? La Torah et l'Évangile entre les mains des Juifs et des chrétiens. En quoi est-ce que cela leur a été utile? Rapporté par Al-Tirmidhi qui l'a jugé correct et étrange. Ici, barakallahu fikoum. Il est important de comprendre que cette communauté, la communauté musulmane, va être touchée par les mêmes problèmes qui ont touché les communautés précédentes. Le prophète, il nous montre que la communauté sera touchée par les mêmes problèmes qui ont été touchés par la communauté précédente. Les mêmes problèmes qui ont touché la communauté précédente, ou les communautés précédentes. Et donc, ceci, ça fait partie des signes de la prophétie. Le prophète, il nous annonce quelque chose qui va arriver et qui est arrivé à notre époque. Qui est arrivé. La science qui disparaît alors que le Coran, il est là. Le Coran, il est là. Mais on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est énorme. Regardez la Torah et l'Évangile entre les mains des Juifs. À quoi ça leur a été utile? Et donc ça nous montre qu'il ne faut pas qu'on fasse comme eux. Il ne faut pas qu'on arrive au stade où on dit le Coran entre les mains des musulmans. Il ne leur a pas été utile. À quoi est-ce que le Coran leur sert? Regardez aujourd'hui le Coran, à quoi il nous sert. On le prend décoration, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le salon, décoration, mashallah, hein? Qu'est-ce qui est voulu par ces versets qui sont là? Ces versets nous appellent à quoi? Elle est où l'utilité? Embellir un bâtiment ou alors méditer sur l'essence de ce verset? C'est important, barakallahu fikoum, qu'on ne suive pas les communautés précédentes en cela. Il y a aussi dans ce hadith le fait donc que la science va disparaître. Et la disparition de la science est un grand mal, un grand méfait qui touche la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que la science va être levée jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant et que les gens y prendront des ignorants pour leaders. et qu'ils leur poseront des questions concernant la religion, et que ces gens vont répondre aux questions sans science, ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Le prophète, il nous a déjà annoncé que ça va arriver. Et donc toi, ce que tu dois faire, c'est t'efforcer d'avoir le maximum de bagages que possible, afin de ne pas te faire égarer, afin qu'on ne t'envoie pas dans un acte d'adoration qui est innové, afin que tu ne fasses pas des actes qui ne soient pas valables, etc., etc. Il faut apprendre. Parce que la science disparaît petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ensuite, d'après Aïcha, quand les versets suivants, la parole d'Allah, il y a certes dans la création des cieux et de la terre, ainsi que dans l'alternance des jours et de la nuit, jusqu'à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pureté à toi, garde-nous du châtiment du feu. Lorsque ces versets-là furent descendus sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, malheur à celui qui lit ces versets et n'y réfléchit pas. Rapporté par Ibn Hibban dans son recueil authentique. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla, dans ces versets, il nous dit, inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans les changements de la nuit et du jour des signes pour tous les doués de raison. Ceux qui font le rappel d'Allah lorsqu'ils se tiennent debout, assis ou sur le côté, ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Et ils disent, ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Pureté à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité de manière spécifique les gens qui sont doués de raison. Parce que ce sont eux qui vont utiliser leur raison pour méditer sur les signes d'Allah. Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a accordé la raison. Médite sur les signes d'Allah. Il y a aussi dans ce verset le fait de méditer sur les signes d'Allah, de regarder le paysage, regarder le ciel, et de méditer sur la création d'Allah, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Lorsque tu regardes l'océan, lorsque tu regardes les montagnes, les nuages, le ciel, ces changements que nous voyons nuit et jour, et que tu médites sur la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Et parfois, c'est important qu'on s'adonne à cela. Tu restes là, tu regardes, tu médites la création de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas cité donc de signes spécifiques. Il n'a pas cité de signes spécifiques. Donc, ceux qui méditent quant à la création des cieux et de la terre, il y a énormément de choses dans les cieux et de la terre. Mais il n'a pas cité de signes spécifiques, c'est justement parce qu'il y a énormément de signes. On les voit tous. On les voit tous les jours. Allah tabaraka wa ta'ala a cité, il a décrit les gens de raison par le fait qu'ils font leur appel d'Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes leurs situations. Ils font leur appel d'Allah lorsqu'ils sont debout, assis, sur le côté. Dans toute situation, ils font leur appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, c'est important qu'on fasse partie de ces gens-là, qu'on fasse beaucoup leur appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha, radhiyallahu anha, qui nous dit, « Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rappel d'Allah dans toutes ces situations. Dans toutes ces situations, il faisait le rappel d'Allah. Et donc c'est comme ça qu'on doit être. Et aussi dans cette parole donc, de ces gens-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les cite dans ce verset, il y a leur parole Rabbana ma khalaqta hadha batila. Le fait que ces gens-là ils disent ô Seigneur, tu n'as pas crié cela en vain. Et donc on sait que tout ce qu'Allah a créé, tout cela, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche, Allah ne l'a pas créé en vain. Pourquoi est-ce qu'Allah il a créé cela? Je vous pose la question. Alors, je ne vais pas... Concernant ce qui est dans les cieux, on ne va pas aborder le sujet de ce qui est dans le ciel. Maintenant, là, tout de suite, on va aborder le sujet de ce qui est sur terre. Tout ce qui est sur terre, pourquoi Allah l'a créé? Hein? Allah l'a créé pour nous. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et pourquoi il nous a créé nous? Pour qu'on l'adore. Et donc ces gens-là, ils savent que tout cela a été créé pour eux et que eux, ils ont été créés pour adorer leur Seigneur. Et donc il n'est pas convenable qu'ils délaissent ce pourquoi ils ont été créés en se concentrant sur ce qui a été créé pour eux. L'argent, ça a été créé pour nous. Ce n'est pas convenable que tu délaisses ce pourquoi toi tu as été créé en te concentrant sur l'argent qui a été créé pour toi. Et ça, c'est très important. On va se concentrer sur le travail, le travail, le travail, le travail. Taïb, les salawat, on fait quoi des prières? Combien de personnes sont éprouvées par la prière, par le fait de rattraper les prières à la fin du travail? Comment ça on rattrape les prières à la fin du travail? Et Allah Azzawajal? Et Allah qui t'a ordonné de prier à un temps défini? Et donc on se concentre sur ce qui a été créé pour nous en délaissant ce pourquoi nous-mêmes on a été créés. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'adorateur du dinar, l'adorateur du dirham est dans la perdition. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, de faire très attention à cela. Et aussi dans donc le dernier point qu'on verra dans ce, donc dans ce cours, dans cette assise, le fait que ces gens-là ils les invoquent. Et ils disent, ô Seigneur, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est normal, une personne qui invoque, ô Seigneur, préserve-nous du châtiment de l'enfer, et elle a la bouteille d'alcool qui est posée à côté d'elle, là, prête à boire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est convenable? Non, c'est pas convenable, mais j'avais vu que Allah acceptait les invocations dans toutes les situations. Bon, là, tu vas me dire c'est l'alcool, ok, d'accord, mais est-ce que c'est une situation dans laquelle une invocation peut être acceptée? Alors, quelqu'un qui a bu, qui est sous et qui fait une invocation en sortant de boîte, c'était l'exemple que j'avais vu. Son invocation est acceptée ou pas? Alors, on va voir, je vais répondre à cette question dès qu'on aura fini ce sujet. Et donc, barakallahu fikoum, ici, ces gens-là, ils invoquent Allah qui les préserve du châtiment du feu. Et Allah, il fait leurs éloges. Et donc ces gens-là, ils vont aussi faire les causes eux-mêmes pour être préservés du châtiment du feu. Car ce n'est pas normal de dire quelque chose par ta bouche que tu ne fais pas en réalité. Ya ayyuhalladhina amanu limatakuluna ma la taf'alun. Ô vous qui croyez, pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Il nous dit Allah Azza wa Jal. Et donc, on demande à Allah Azza wa Jal tous les jours de nous accorder la guider. Guide-nous sur la voie de rectitude. Est-ce que c'est normal que tous les jours on fasse cette invocation et qu'on ne cherche pas à apprendre la voie de rectitude? On ne cherche pas à apprendre notre religion? Ce n'est pas normal. On est contradictoire. Il ne faut pas que tu sois contradictoire. Il faut que ta parole soit en accord avec tes actes. Il faut que ta parole soit en accord avec tes actes. Et donc tu invoques Allah, tu lui dis, guide-nous sur la voie de rectitude, fais-toi aussi les causes pour être sur la voie de rectitude. On va arrêter là, donc, pour ce cours, bi'idhnillahi ta'ala. Et le dernier cours à 3 heures, Inch'Allah, ta'ala, dans 20 minutes. En attendant, donc, je réponds à la question que tu as citée. La personne qui boit de l'alcool, la personne qui va invoquer Allah, que Allah va répondre à son invocation pendant qu'elle est ivre ou autre. Taïb. Par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite la situation d'un homme, Ash'atha Arba, et donc il a les cheveux ébouriffés, pleins de poussière. C'est un homme qui est dans une situation difficile, une situation de voyageur. Or, l'invocation du voyageur, c'est une invocation qui est exaucée. Celui qui est dans une situation difficile, son invocation est exaucée. Et en plus de ça, cet homme, le prophète, il nous dit, Yamuddu yadehi ila sama, il lève les deux mains vers le ciel. Ça aussi, c'est une cause pour que ton invocation soit exaucée, le fait de lever les mains au ciel. Parce que dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, Inna Allah ta'ala hayyun karimun. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il est donc, il a de la gêne. Et il est généreux. Il est génie de son serviteur lorsque celui-ci il lève ses deux mains vers lui, de lui rendre ses deux mains vides, c'est-à-dire de ne pas répondre à son invocation. Et donc le fait de lever les mains, c'est une cause pour que ton invocation soit exaucée. Et donc cet homme-là, le prophète, il nous cite un homme qui a réuni plusieurs conditions pour que son invocation soit exaucée. Et c'est pas tout. Et il continue, il dit, Ya Rab, ô Seigneur. C'est-à-dire, avant de demander ce qu'il veut, il montre déjà le fait que il reconnaît son Seigneur, son Créateur, celui qui gère tout. Ya Rab, ça aussi, c'est une cause, donc, que ton invocation soit exaucée. Le prophète, il nous dit, mais cet homme, malgré tout ça, il nous dit, sa nourriture, elle est illicite. Ses boissons sont illicites. Ses vêtements sont illicites. Fa'anna yustajabu lidhalik. Comment est-ce que celui-ci sera exaucé? Le prophète nous dit, comment est-ce que celui-ci sera exaucé? Et donc, les péchés que nous faisons sont des causes qui nous privent le fait que nos invocations soient exaucées. Ça, c'est important. J'avais vu que Allah n'acceptait pas la vocation de celui qui avait une source de revenus C'est-à-dire l'argent propre, à part ça, il n'y a pas d'autre. Ça rentre dans ce hadith. En fait, c'est les péchés que tu fais de manière générale sont une cause que tu sois privé. Voilà pourquoi il est important qu'on se repente des péchés. C'est important de se repentir des péchés, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك